cache plus. Quand je parle le soir, quand tu t'endors, tu me parles plus. C'est ta voix qu'il faut que j'entende. Pourquoi tu me repousses, j'ai ton cœur à donner. Je sais que la vie de couple, c'est très dur à fonder. Et si tu m'importes, je pourrais plus tomber. Et là c'est la porte, Dieu merci, je suis comblé. Je te veux pour toute la vie. Si j'ai bébé toute la nuit, tu sauras que quand je t'ai mis donné, c'était pour te donner mon temps et ces choses promises. Je fais du sale, mais tu resteras ma roue. Chose à dire, mais je le garderai pour moi. Je suis sur tes rames, mais tu restes la gagnante, je tourne. Truc de dingue, tu sais pas ce que j'ai fait pour moi. Laisse-les pour moi, eux ils font ça toute l'année. Fini les courbes, toi et moi c'est toute la vie. Je fais du sale, mais tu resteras ma roue. Je fais du sale, mais tu resteras ma roue. C'était ma roue, man, yeah. Voulais ton cœur sur le mien. C'était ma woman, yeah. Voulais ton cœur sur le mien. Je me cache plus. Mais t'as l'impression de voir un fantôme. Ça ne va plus. J'aimerais te dire ce que tu veux entendre. J'ai tiré mon coup, ta confiance j'ai volé. Des fois je suis fou, il faut me pardonner. Dehors c'est la gêne, moi j'affronte le danger. Y'a que quand t'es là que je sais que je suis dans le vrai. Je te veux pour toute la vie. Si je bébé toute la nuit, tu sauras que quand je t'ai mis donné, c'était pour te donner mon temps et ces choses promises. Je fais du sale, mais tu resteras ma roue. Chose à dire, mais je le garderai